tout au bout du dernier banc du grand jardin de la raison. Vivent des enfants troublants avec tatoués sur le corps, sur le cœur, sur le front, des marques d'un volcan intérieur. Ils se racontent en silence des histoires dont se perd le sens. Raconte-moi ces enfants agités comme du papier sous le vent. Raconte-moi ces enfants fragiles comme vieil amour au printemps. Raconte-moi ces enfants agités comme du papier sous le vent. Raconte-moi ces enfants fragiles comme vieil amour au printemps. On les aperçoit parfois aux abords de manèges de bois, oscillant comme des pendules dans leur planète minuscule. Ils embrassent et puis pincent amis ou potes qui goincent comme des enfants sans façon, hantés par d'obscurs démons. Raconte-moi ces enfants agités comme du papier sous le vent. Raconte-moi ces enfants fragiles comme vieil amour au printemps. Raconte-moi ces enfants agités comme du papier sous le vent. Raconte-moi ces enfants fragiles comme vieil amour au printemps. Parfois le cœur trop les serre, frotté par du papier de verre. Alors ces enfants si doux se mordent nos roues de cou. Nous sommes gardiens de leurs mots. Et si nous retrouvons la clé par des gestes ou quelques mots, leurs yeux prennent des éclats dorés. Raconte-moi ces enfants agités comme du papier sous le vent. Raconte-moi ces enfants fragiles comme vieil amour au printemps. Raconte-moi ces enfants agités comme du papier sous le vent. Raconte-moi ces enfants fragiles comme vieil amour au printemps.